Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour d'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre. Le jour se lève et même si ça brûle les yeux, on ouvrira grand nos paupières. Il a fait nuit trop longtemps et avancer sans lumière nous a souvent fait tâtonner. Personne n'a pardonné, si on est là aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas abandonné. On a cherché la lueur de l'aube en sachant qu'elle avait la couleur de l'espoir. On s'est armé de nos stylos pour écrire nous-mêmes la suite de toute cette histoire. Le jour se lève, sort de sa grève, c'est grave à quel point la nuit a été agitée. On en a de belles à raconter, même si j'imagine que ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. La chaleur fait couler l'encre, nos mots quittent nos cahiers, nos voix sortent de l'ennui. Alors nous allons prendre la parole, monter sur scène pour un moment, j'espère que t'en as conscience. Fini la patience et la méfiance, on s'offre simplement avec l'écriture une renaissance. Le jour se lève et son glaive de lave nous lave des peines et douleurs du passé. Notre avenir est lancé, tu nous écouteras et diras franchement ce que t'en as pensé. Le jour se lève et la joie se livre, la soif se lit sur nos lèvres, tu devrais nous suivre. Si notre heure est brève, nous allons quand même la vivre, nous ne sommes pas bons élèves mais l'envie nous enivre. Alors à ton tour, ouvre les yeux, approche-toi et observe avec curiosité le souffle et l'enthousiasme d'une brigade de poètes sortis tout droit de l'obscurité. Ne prends pas ça pour de l'arrogance, mais on sent que c'est notre heure et ça fait du bien. Notre passion va nous nourrir et je vais retrouver le sourire dans le regard de tous les miens. Le jour se lève, on le doit peut-être qu'à nous. Et quand je dis ça, c'est pas juste une métaphore. Le jour se lève et si ça se trouve, c'est uniquement parce qu'on l'a espéré assez fort. Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour. Notre futur est incertain, c'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair. Mais notre jour s'est bien levé, dorénavant il sera difficile de nous faire taire.